Et youpi, nous voilà rembarqués dans Cargo Cult. Alors un gros Cargo Cult aujourd'hui, 2h, 120 minutes continues. Et croyez-moi, c'est pas trop pour parler du sujet du jour, pour parler de l'immense cosmologie, théologie, cosmographie et legacy de P-Funk, Parliament, Funkadelic. Voilà, un très gros morceau du funk. D'ailleurs, loin d'un mois de penser qu'on va en faire la totale, parce que le but du jeu ici, hein, je vous le rappelle, un album, une écoute et une longue explication, va être entièrement centré sur un disque de Parliament. Le disque Motor Booty Affair, qui paraît en 1978. Alors... Ah, c'est tellement gros que je ne sais pas par quel bout le prendre. Mais croyez-moi, il y a à manger chez P-Funk. Alors d'abord, on va revenir un petit peu aux définitions. Elles sont cryptées en diable, en tout cas, chez Parliament, Funkadelic, et tous les groupes clones issus de ces deux vaisseaux mères. Alors, remontons un petit peu le temps. Évidemment... Parliament Funkadelic, c'est l'incarnation d'un démiurge fou, d'un type génial et allumé, qui est George Clinton. Voilà. Et autour de George Clinton, une armée de lieutenants absolument prodigieux, c'est-à-dire à la fois des musiciens hors pair, mais des types largement aussi allumés que lui, et qu'on apparemment est semé, et qu'on constituait un petit peu un énorme corpus de la mythologie P-Funk. Alors on va lâcher comme ça quelques noms et tracer une forme de généalogie probablement pas complète hein, d'ailleurs. Mais remontons un petit peu aux sources. Parliament, ça s'écrit Parliament et longtemps j'ai prononcé ça Parliament avant de savoir que non, tout anglais écrivait Parliament mais ça se prononçait Parlement, Parliament. Quoi. Et Parliament, en fait, au singulier, succède en fait à un Parliament au pluriel, qui lui est le tout premier groupe de George Clinton. À une époque où alors George Clinton, dans les années 60, hein, qui est encore bercé même de cet esprit un petit peu gospel et doo-wop des années 50, fait un groupe doo-wop. Ce qu'on appelle le doo-wop, c'est un gospel profane, si vous voulez, sans la religion. Et voire avec beaucoup d'ironie, mais ça c'est quelque chose qui va se développer largement dans les constructions de George Clinton par la suite. Et puis ma foi, Parliament va à un moment jeter son bonnet par-dessus les moulins, le psychédélisme passe par là. George Clinton aura déménagé de son New Jersey natal pour émigrer à Detroit, Motown City. Et pendant un court moment, d'ailleurs, il va bosser chez Motown. Hein. Il sera un des auteurs de Motown. Il ne signera jamais rien sous son nom chez Motown, mais il va passer par là. Oh, il va prendre des leçons, certainement, et puis il va comprendre qu'il ne faut surtout pas rester là. Surtout que Motown, c'est du staccanovisme pur et dur. Alors, on ne va pas refaire la mythologie de Motown ici, c'est énorme, mais Motown, on rigole pas trop. Tandis que chez George Clinton, surtout à partir du moment où l'ère psychédélique va passer par là, alors là, non seulement on rigole à qui mieux, mais on s'ébat dans toutes les humeurs psychédéliques, on n'a peur d'aucun psychotrope, et non seulement on n'en a pas peur, mais c'est même le carburant d'une création musicale qui va jamais mollir. Et ainsi naît Funkadelic. Funkadelic, le bien nommé, voilà, funk, certes, mais psychédélique, surtout. Et chez Funkadelic, effectivement, il y a l'esprit guitare qui est là. Et pour beaucoup, Jimi Hendrix. Et Funkadelic va enchaîner titre sur titre, de mémoire et parmi les plus marquants, ne serait-ce que dans le titre même des albums, « Free your mind and your ass will follow ». Voilà, je me plais à le traduire, même si vous avez tous compris. Voilà, libère ton esprit et ton cul suivra. Évidemment. On ne pourrait dire mieux. Et c'était plus que dans l'air du temps à l'époque. Ça tenait du slogan politique. Et la pochette elle-même est d'un explicit lyrics qui n'avait pas d'équivalent à l'époque. On est en 69, quand le disque sort, c'est un gatefold sur lequel on voit une femme noire, complètement nue, une valkyrie magnifique, prise en contre-plongée, les bras tendus vers le ciel, dans une pose à la fois extatique, et, mais aussi spirituelle. Et Funkadelic va enchaîner des titres sur titres, et comme ça constituer déjà une mythologie incroyable. Le mot mythologie n'est pas anodin d'ailleurs dans mon discours, mais je détaillerai probablement ça plus après. Puisque chez Funkadelic, il va y avoir aussi un artwork extrêmement important qui va à coup de détails, d'illustrations incroyables sur chaque pochette de disque, tenir finalement une véritable biographie du groupe. Ça, on doit ça à un artiste qui s'appelle Pedro Bell, qui a accompagné pendant presque toute sa carrière Funkadelic et Parliament, et qui signait les pochettes quasi exclusives de Funkadelic. Et moins celle de Parliament, mais j'y viendrai, on retrouve Parliament, on retrouve quand même ce même esprit du détail. Finalement, il faut vous imaginer les pochettes de Funkadelic comme du Jérôme Bosch, si vous voulez, mais trempé dans le funk et complètement alimenté de la culture comics. Et ça, bah, ça va devenir encore plus flagrant dans le groupe qu'on va camper aujourd'hui, donc dans Parliament. Parliament, c'est commence sa carrière vers 75, quelque chose comme ça. Autant Funkadelic, mais le et finalement, une version rock d'un funk, on est très post-Sly Stone et puis surtout très très empreint de Jimi Hendrix, je le rappelle. Autant Parliament, eux, vont mettre les cuivres en avant et les claviers en avant, et à grand renfort aussi de vocaux, du moins arrangés, et notamment de vocalistes féminins. Chose qu'il n'y avait pas dans le Funkadelic première période. Mais qui va d'ailleurs quand même reprendre le pas, et les premières femmes vont arriver chez Funkadelic, je pense, en 75. Donc voilà. Et dès lors, George Clinton va s'atteler à mener plusieurs carrières, mais qui sont en fait la seule et même méta-carrière, avec ces deux groupes, ces deux fusées mères. Le mot « Morvership » a son importance dans la mythologie P-Funk, cette mythologie afro-futuriste en plein. Va signer donc pour l'un des disques chez Casablanca Records, ça c'est Parliament. Et puis pour l'autre, Funkadelic, c'est Warner Bros. Voilà. À cela vont s'ajouter pas mal d'autres combos solo. Hein. J'y viendrai après d'ailleurs. Hein. Les filles qui vont s'exprimer chez Parliament, ou les Brides of Funkenstein, Bernie Worrell qui fera des disques en solo. Bootsy Collins. Alors Bootsy Collins, c'est le lieutenant en chef, on va dire, de George Clinton. C'est son sparring partner, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, il y a chez Parliament, Funkadelic, plus qu'une notion de groupe, il y a une notion d'équipage. Et ce sont des très gros équipages. Quand paraît en 1978 le disque dont on va parler aujourd'hui, Motor Booty Affair, l'équipage Parliament, Funkadelic, l'un ne va pas sans l'autre. Et d'ailleurs, finalement, il y avait cette espèce de joint venture inventée par George Clinton lui-même qui nommait ça Parliament Funkadelic Fang. Voilà. Et puis, finalement, une expression plus courte qui résume tout, le P-Funk. P-Funk. P comme psychédélique, P comme Parliament, P comme pure, P comme power, P comme à peu près tout ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, là, la puissance du funk, elle est à son comble. Dans ces deux groupes-là, à l'époque, elle est nourrie du funk qu'ils a précédé, hein, ou qui les côtoie. James Brown, Sly Stone, ça, c'est des figures fortes, évidemment. Et connexes. Bootsy Collins, par exemple, qui va rencontrer George Clinton en 1972. Et issu de James Brown. Et c'est le meilleur bassiste que j'ai jamais eu, James Brown. Il était bassiste chez James Brown à toute fin des années 60, jusqu'en 1969, je crois. Il a 17 ans quand il joue chez James Brown. Et il est fabuleux. James Brown le vire parce que Bootsy, il est trop dans les acides. Et les expériences lysergiques et psychédéliques, c'est pas pour James Brown. On est là pour bosser. Good God. Chez Clinton... Les expériences lysergiques, c'est chaudement recommandé, c'est même plutôt obligé. Oui, je rappelle effectivement l'ascendant psychédélique de Funkadelic, Mais il faut voir que toute la carrière, mais toute, hein, jusqu'à finalement pour, même maintenant, toute la carrière de George Clinton, Parliament Funkadelic et ses nombreux alias a été bercée par un rapport avec les psychotropes absolument hallucinant et finalement une inspiration psychotrope qui a nourri directement les concepts les plus foldingues de George Clinton et Parliament Funkadelic. Donc on en arrive là, justement, à ces concepts forts. Quand Bootsy Collins effectivement rencontre George Clinton, il va peut-être le déraciner de ses influences strictement rock psychédéliques et lui mettre la pulsation funk là dans les dents. Là. Et du coup, influence majeure, sparring partner, qui vont faire que les deux hommes vont jouer ensemble et séparément et construire aussi plein de trucs. Et par la main et de cela. Bootsy Collins joue dans l'album qu'on va entendre aujourd'hui, mais parmi d'autres bassistes. Non mais Bernie Worrell, il y en a un autre qui est très important qui s'appelle Johnny Morrison, qui n'est absolument pas crédité dans ce disque-là ni dans aucun d'autre. Mais Johnny Morrison, c'est le Walter Johnny Morrison, c'est l'homme orchestre, hein, c'est le directeur musical de toute cette P-Funk, Parliament, Funkadelic Army. Et alors pourquoi il n'est pas mentionné? C'est pour des histoires strictement contractuelles en fait. Et il emprunte un pseudo qui est celui de J.S. Theracan. Ouais, donc, vous verrez, que dans ce disque-là. Jeff Theracan, alias Johnny Morrison, est d'ailleurs à l'œuvre depuis l'album de Funkadelic qui précède la sortie de Motor Booty Affair, dont on parle aujourd'hui. Et il va être aussi à l'œuvre dans celui qui suit juste après. Je parle de Parliament aujourd'hui, mais je suis obligé de mentionner Funkadelic pour les raisons que je nommais. Et. Les deux disques de Funkadelic qui encadrent la sortie de Motor Booty Affair, disque du jour aujourd'hui sur Cargo Cult, c'est les deux disques les plus importants, les plus colossaux de Funkadelic. Ceux dont les titres résonnent comme des slogans politiques. Un, en 1977, One Nation Under a Groove. C'est même en 78 même, c'est la même année que Motor Booty Affair. Ouais. Début de l'année pour l'un, fin de l'année pour l'autre. Et l'année suivante, en 1979, Uncle Jammed Want You. Voilà, alors rien que les titres nous renseignent sur effectivement la dimension à la fois politique, satirique, sardonique, afro-futuriste et blaxploitation de tout cet équipage Parliament Funkadelic. Voilà, il ne vous aura pas échappé que Uncle Jam, bah oui, c'est Uncle Sam. Et croyez-moi, les oripeaux de Uncle Jam n'ont rien à envier au dîment classique et de sa barbe blanche Uncle Sam. Et effectivement, tout y va pour enrôler dans une grande cosmologie funky le bon peuple des Funketeers. Et oui, ces mousquetaires du funk, Funketeers, nom donc donné aux fans de P-Funk à l'époque, tout comme aujourd'hui. Et croyez-moi, des fans, il en a. C'est-à-dire qu'en 1978, quand paraît le disque du jour, P-Funk est à son apogée, en fait. Ils sont au lendemain d'une tournée colossale, mondiale, qui a rempli les stades. P-Funk Earth Tour, tournée pour laquelle George Clinton se posait sur scène avec une soucoupe volante. Quoi. Extraordinaire. Pour la petite histoire, la tournée a été remplie d'effets pyrotechniques énormes, d'un sacré budget, probablement un budget scénographique comme il n'y en avait jamais eu avant hein, sur un groupe de musique noire, mais comme il y en avait déjà eu sur des groupes de musique blanche. Bah oui, évidemment, hein. On n'était pas dans l'égalité sociale à ce moment-là, pas plus avant que maintenant. P-Funk est signé, en tout cas, Parliament, chez Casablanca Records. Casablanca Records, c'est une maison de disques, un label qui a fait des très gros coups. Et notamment, en même temps que Parliament, il signait Kiss. Et Kiss et la pyrotechnie et les gros effets de scène, ça y allait à qui mieux. Et donc, le boss de Casablanca, très, très malin, cocaïnomane totalement introverti, extraverti plutôt, mais avec un flair sans pareil. Tu ne croyais pas que c'est un jeu de mots quand je parle de flair. Effectivement, on a dit, bon, tiens, on va récupérer un petit peu, un, le hangar, et puis deux, beaucoup du matériel pyrotechnique, et puis des outils de scénographie de Kiss, et puis les réadapter à P-Funk et à Parliament. Bingo, c'était fait. Voilà. Puis pour la petite histoire, au même moment, le boss de Casablanca entend parler aussi d'un producteur isolé à Munich, en Allemagne, qui fait chanter une chanteuse sur des musiques un petit peu robotiques, et il a un morceau de 3 minutes en disant « Dis donc, c'est pas mal ton truc là. Tu m'en fais une phase complète de 20 minutes ?» Le producteur était un peu étonné, mais il a dit « Bah oui, on va le faire. » Le producteur, c'était Giorgio Moroder. La chanteuse, c'était Donna Summer. Voilà, I Feel Love, et juste auparavant, Love to Love You Baby. Donc voilà, il y a des coups comme ça dans la musique qui laissent plus que des marques, hein, qui balisent à jamais un territoire, voire des territoires musicaux. Bon, alors c'est une parenthèse un petit peu sur Casablanca Records et puis les coups de génie qu'ils ont pu signer. Parliament, donc, fait ses affaires chez Casablanca Records, Funkadelic, eux, seront chez Warner Bros. Plus tard, George Clinton ira chez Capitol. Tout ça finira mal, hein, parce qu'il va y avoir des enjeux de financiers, de copyright et finalement, les maisons de disques vont s'envoyer des procès, quoi, des maisons de disques à l'appel, sur George Clinton lui-même à partir de la toute fin, enfin à partir du tout début des années 80. Donc quand je parle effectivement d'un point d'orgue en 1978 sur ce Parliament Funkadelic, effectivement, on est au sommet avant la chute. En tout cas, une chute. Parce que Clinton, c'est un malin, il se remettra. Par contre, pas forcément les musiciens qui l'entouraient. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas sûr qu'on l'évoquera d'ailleurs là, mais on pourra probablement y revenir après. Motor Booty Affair. Alors ça y est, on y est. Je vais nous mettre dans ce disque-là. Allez, prenons la pochette dans les mains. Tiens, regardons-la. Il n'y a pas plus funk que cette pochette-là. Le recto, c'est un énorme pélican qui va comme ça aspirer un des membres de l'épopée. Alors, en l'occurrence, c'est l'anti-membre, puisque c'est celui qui a un énorme nez, c'est un gros nez, c'est Sir Noise Void of Funk. Attention au patronyme, il faudra faire attention, prenez des notes. Qui lui est pas funk, quoi. Il danse pas et il ne nage pas. I can't swim, vous l'entendrez dès la deuxième chanson de ce titre de cet album aujourd'hui. Et avant, il n'allait pas dans l'espace. Alors c'est le blanc, hein. c'est le blanc corrompu, c'est l'homme d'affaires, hein. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il y a comme ça, dans cet aspect complètement comique, éclaté de chez George Clinton, il y a un suivi à la fois chronologique, sémantique et thématique qui est absolument remarquable. Le mot afrofuturisme n'est pas... Il n'existe pas, il n'est pas labellisé, mais il est dûment dans l'air, absolument, il est dûment dans l'air. Il est, comme on le sait bien, quelque part inventé par Sun Ra. Et Sun Ra, le premier, va faire croiser Pharaon et la science-fiction. Et finalement, dans une inspiration quasi directe, George Clinton et ses équipages vont reprendre le flambeau. Et là aussi, dans l'espace. Tous les disques précédents de Parliament, après un passage à la Maison Blanche, hein, la White House qui va être rebaptisée une Maison Noire, va conquérir l'espace. Et dans ce disque-là, y a une autre conquête qui n'avait pas été faite, c'est les océans. From an ocean come an ocean. D'un océan vient une notion. Quelle phrase ! C'est l'accroche publicitaire du flyer de l'époque. C'est aussi la première phrase que vous allez entendre dans ce disque-là qui va être psalmodié par George Clinton. Et vous allez voir, ce sera plus tard un maître mot politique, mais j'en viendrai probablement en deuxième partie d'émission. Je reprends cette pochette et une image intérieure, alors qu'elle existe uniquement sur un picture disc, un peu rare et promotionnel de l'époque, j'ai la chance de la voir. Mais c'est une image qu'on a retrouvée par ailleurs, où on y voit un P-Funk member, en l'occurrence c'est Gary Schrader, qui est un instrumentiste et un chanteur, debout, dressé, habillé en cow-boy, surfant sur deux dauphins, tenu au lasso sur une mer plane avec un horizon comme ça derrière lui. Et Gary Schrader chevauchant ses deux dauphins sur l'océan et habillé donc de comme un cowboy disco et un chapeau de cowboy un peu plus haut que la normale, porte à même l'épaule un ghetto blaster. Tandis qu'avec l'autre main, justement, il tient de quoi chevaucher son char de dauphin. Sublime pochette, exubérante, hilarante à souhait, plus fin que ça, tu meurs. Voilà, et Moteur Boutique Affaires est donc exactement dans ce ton-là. La Mothership devient un vaisseau subaquatique. Et comme avait dit George Clinton, il avait dit, voilà, nous on a mis les Noirs dans les situations dans lesquelles personne n'aurait jamais pensé qu'ils seraient. Donc en l'occurrence la Maison Blanche. Oui, Obama n'est pas encore passé par là. Puis quand bien même Obama y a été, on n'est pas sûr qu'il ait pu avoir loisir d'y rester et surtout fait ce qu'il voulait y faire. Dans l'espace, évidemment, les Noirs n'y étaient pas, ils n'y sont pas encore. Et dans l'océan. Ce fameux océan duquel vient une notion. Partant de là, vont défiler dans vos oreilles à la fois des personnages et des sons qui sont complètement en rapport avec cette humeur subaquatique. Il y a une technologie qui sert directement le style Pifunk. C'est un apport stylistique extrêmement concret chez Parliament. Et plus encore que chez Funkadelic, j'ai envie de dire. L'album précédent contenait un tube absolument incroyable, un des plus gros tubes de P-Funk, qui s'appelait Flashlight. Et Flashlight est bercé par un synthé basse absolument extraordinaire. Ça, c'est dûment joué et orchestré par Bernie Worrell, clavier d'exception, et c'est quelqu'un qui est dans l'équipage de Washington depuis ses débuts. Et à lui seul, ce morceau-là a complètement remodelé les standards du funk et de la dance music. Et finalement, il a introduit dans une musique qui, au départ, n'était pas spécialement, la technologie et l'électronique. Ça n'étonnera personne, et l'histoire le prouve assez rapidement plus tard. Tout P-Funk et George Clinton vont devenir des sources d'inspiration pour toute la musique électronique, du rap à la techno, en passant par la house, et puis bien sûr plein de combos hip-hop. Et les Parliament Funkadelic sont des grimoires de samples qui ont été puisés, mais à outrance, il faut le dire. C'est spécialement le cas du gangsta rap West américain, West Coast, avec Dre et en plus encore Snoop Doggy Dogg qui vont piller littéralement l'héritage P-Funk. Alors c'est un pillage qui va être extrêmement lucratif pour son auteur, donc ça c'est pas mal, en passant quand même par 2-3 procès retentissants, ce qui était pour le peu quasi normal. Voilà. Moteur Boutique Affaires a quand même cette singularité dans cette grande ligne, ce grand parcours P-Funk qui t'en fait aujourd'hui peut-être, parmi toute cette mythologie culte de Parliament et toute cette discographie culte, le culte dans le culte. D'où ma raison de le choisir aujourd'hui. Et puis j'avoue peut-être une petite préférence pour celui-là, cette petite singularité. Il y avait deux tubes, deux gros tubes dans ce disque-là. Et à chaque fois que je les entends, je m'étonne que c'est bien des tubes, parce que croyez-moi, c'est pas du tout des choses faciles à mettre dans les charts. Deux singles, qui sont pour l'un « Rump of Steel Skin », c'est le deuxième morceau que vous entendrez. Des arrangements absolument étourdissants, groovy à mort, etc. Et puis l'autre, Aqua Boogie, sous-titré A Psycho Alpha Disco Beta Blog Aqua Do Loop. Ouais, bah, je vais vous le refaire, je vais vous insister. A Psycho Alpha Disco Beta Blow Aqua Do Loop. J'ai pas pu le refaire bien deux fois de suite. c'est juste impossible. Number one, premier dans les charts, R&B, mais jamais classé dans les charts commande quoi, les charts, j'allais dire les charts blancs, mais c'est un peu ça. Il y a les charts R&B pour les blacks, et il y a les charts pop blancs pour les blancs. Voilà. Pardon d'exagérer l'image, mais elle montre un petit peu quelque chose. J'aurais plaisir d'ailleurs à mettre non pas la version de l'album de Aqua Boogie, mais la version maxi, c'est la même. Elle est un tantinet mélangé, rallongé. Elle dure 8 minutes, 7 ou 8 minutes, et là, elle dure 9 minutes 30 dans sa version un petit peu extended, qui ajoute un piano boogie sur la fin, entouré d'un instrument de synthèse que je trouve absolument remarquable. Là-dessus, la version est meilleure que l'original. Voilà. Et puis plein de titres totalement hallucinants, Liquid Sunshine, hein, qui forcément fait appel, ne serait-ce que par son titre, à des humeurs lysergiques, le tout avec des synthés, mais qui frétillent de partout. Enfin, le son même de P-Funk et Parliament, quand même, on se fout du funk ou quoi que ce soit, et quelque chose qui va faire date, il le fait déjà à ce moment-là, mais il le fera plus après. Voilà, sur quelques apports stylistiques, j'ai envie de dire numériques, tiens, le digital, on ne parle pas de culture digitale à l'époque, mais voilà, il y a des harmonizers, toute la clique des harmonizers d'Eventide, le fameux H9000, est là et sert justement dans ses derniers tranchements et dans ses excès, quand on tourne un petit peu trop les boutons, à singer extrêmement bien ces bruits un peu acrobatiques comme ça, avec des bulles qui sortiraient de l'océan et qui sont transfigurées par la machine. Le Eventide H9000, c'est un instrument dont j'ai déjà parlé dans cette émission. Je fais une parenthèse, mais elle vaut le coup. Et pour un groupe qu'on mettrait a priori aux antinomies de Parliament et toute l'équipe à Funkadelic, c'est Forbidden Gristle. Et qui avait acquis pour l'album DOA, Dead on Arrival, plusieurs H9000, chaque instrumentiste, chaque élément du groupe en avait un. Et c'est notamment un outil qui est particulièrement à l'œuvre dans un morceau cultissime, évidemment, de Forbidden Gristle, c'est Hamburger Lady. Alors, rappelez-vous de Hamburger Lady, cette atmosphère complètement mortifère, glauquissime de ce titre, hein, qui raconte les souffrances d'une femme brûlée au troisième degré. Et disposer le son même et le traitement de ce son dans la musique funk que vous allez entendre, et vous allez voir qu'il y a une proximité évidente, et même plus qu'évidente. Et alors, comble du comble, évidemment, on est dans une humeur complètement festive. On n'a jamais professé le glauque chez P-Funk, finalement. Tout ça est animé par des équipages d'une vingtaine de musiciens. Chaque recording session, chaque séance de studio, et encore plus, chaque scène ressemble à d'immenses orgies byzantines avec des sections de cuivre de 3 à 5 personnes, 2 basses sur scène, des percussions à perdre haleine, des choristes remontés comme pas deux, et tout ça sur des concerts fleuves de 3 voire 4 heures. Voilà ce que c'est, cette mythologie P-Funk. Et elle subsiste, et tant mieux, finalement. Elle subsiste, même si aujourd'hui, Clinton est un papy, quand même, et puis que beaucoup de musiciens sont partis. Bernie Worrell est mort, notamment. Mais bon, voilà, tout ça est une autre histoire. Je parlerai de l'héritage et peut-être d'une dimension qui n'était pas celle qu'on avait trop envie de mettre en avant à ce moment-là, mais il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension politique, et il y a quelque chose de révolutionnaire dans le propos, dans la narration, dans la saga même de Parliament Funkadelic. Alors évidemment, quand une musique est festive, dansante, en général, on n'a pas envie qu'elle pose question. Mais là, elle le fait, et si ce n'est pas au premier degré, c'est assurément au deuxième degré. Ainsi vont s'introduire des personnages qui empruntent donc à l'univers P-Funk, mais qui les projettent de l'espace aux océans subaquatiques. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Voilà, des mermaids sphériques, des octopus funky qui jouent de la basse avec plusieurs de leurs tentacules vont s'introduire. Et en tout premier lieu, un alias de George Clinton lui-même, Mr. Wiggle. Et cette fameuse phrase clé donc, de l'album Motorbooty Affair, « From an ocean come an ocean ». Bonne écoute et on se retrouve dans une 45 minutes. From the ocean comes a notion that the real as lies in rhythm, and the rhythm of vision is a dancer. From the looking comes the seeing, one with real as realize, the rhythm of vision is a dancer. And when he dance, it's always on the one. Going down, you can see sounds of silence. Primal heartbeats could be seen with the naked eye. I'm jogging, I'm back on the scene with the record machines and ooh, papa doo, how do y'all do? I'm Mr. Wiggles the Worm, these are my ladies Giggle and Squirm. 3 bionic idiots, your DJs for the affair, where we'll be getting down and won't be coming up for air. May I have the swim? Mr. Wiggles here saying, may we funk you. on my thang. Rhythm in my thang. Wind me up. I can do my thang underwater. I got a string attached to my thang. When you pull my string, I can do my thang like an order. Ooh, the motor booty affair. This is the big one. The marathon, not your average 50-yard dash of funk. The Olympics, cross-country style. Coming to you from number one Bimini Road in beautiful downtown Atlanta, where you might see the jellyfish jamming with the sand. Come face to face with a mouth named Jaws. Freak out with a mermaid named Rita. And meet Mr. Wiggle the Worm. I got wheels on my thing. Oh! Wheels in my thing. Emerald City. I can do my things underwater. I got a string attached to my thing. When you pull my string, I can do my thing like a order. Check me out. I can slide between the molecules of wetness like an eel through seaweed. One slithering idiot. Mr. Wiggle's here. Your DJ for the affair. Who will be getting down and won't be coming up for air. So you can leave your nose at home. You might want to rent a blowhole. Oh, that's how it goes. Just let me bait my rap. Go away. This fish tail begin where most fish tails end. With a school of food fish. Playing hooky from school and getting caught and liking it. Oh! Go wiggle, y'all! I can do my thing underwater. I got a string attached to my thing. Wiggle for my string. Aqua boogie, baby. I can do my thing like a horror. Diddy, oh, I'm jocking, I'm back on the scene with my record machine saying, ooh, papa, do how y'all do. Mr. Wiggle's the Worm, yeah. Saying, this is an underwater story in the fluids of your mind. We're swimming past a clock who has his hand behind its back. On past reality, you ain't looking for a moment. We'll leave a candle in the windows of our conscious mind. And we'll find our way back to the one and time. The motor booty affair. Where you can dance underwater and not get wet. Aquadoodle, baby. Rhythm. Mr. Wiggles, he on roller skates and a yo-yo. Acting a fool, one slithering idiot. These are my ladies giggling and squirming. We are three bionic worms. Your DJ for the affair. And I can do my thing. Underwater. Ha. Coming to you live from number one Bimini Road in the Emerald City. Downtown Atlantis. From WFUNK. We funk. We funk. And we funk. And we wiggle. And we funk. Oh! Mr. Wiggles here. Back on the scene with my record machines and we pop the dude. How y'all do? Go wiggle. To all the fish and the fishes, go wiggle. To all the fish and the fishes, go wiggle. Oh, I'm jogging. I'm back on the scene with my record machines and we pop the dude. How y'all do? Go wiggle. Oh, go wiggle. at the wide, wide world of wiggle. Hey, ho! Can we go somewhere? Ever since I came through the door.

Yeah. Yes, Niggers in our neighborhood, and I had to hire a spy. Swear you to get your votes in. But be sure to pay your money before 12 o'clock for this dinner here tonight. Déjà fini. Ce qui est dingue, c'est qu'un morceau comme celui-ci, là, The Deep, donc c'est celui-là qui conclut Mojo Booty Affair, il fait 9 minutes. Et on comprend qu'en fait, c'est qu'un bout du truc, quoi. En fait, ils ont jamé pendant une demi-heure dans les studios. À qui mieux. Bon, il y a le jam, mais il y a aussi la production, il y a aussi le mixage qui est absolument ahurissant. J'étais content d'ailleurs de lire vos commentaires hein, qui faisaient un petit peu écho à ça. Voilà. Et George Clinton est à ce moment-là finalement à la tête de ce qu'il y a de mieux, avec les meilleurs instruments, les meilleurs instrumentistes, les meilleurs studios, et en réussissant à travailler quand même de façon, j'allais dire autonome, pas strictement, parce que manque pour la stricte autonomie de ces musiciens-là leur propre label. Et finalement, c'est la génération suivante qui va pouvoir le faire. Et quand bien même Clinton va en fait créer son propre label pas très longtemps après, Uncle Jam, bien sûr en référence au classique de Funkadelic qui va être l'album qui va suivre d'ailleurs, hein, ce Parliament de 1978. Ça ne marchera pas, ça viendra un petit peu trop tard. Mais revenons-en à The Motor Booty Affair et cette conclusion, deep, les profondeurs, il y a un sous-texte super politique. On y est. On y parle de la corruption, finalement, des inlands, c'est-à-dire du littoral, de la terre ferme, et de cette nécessité de créer une diaspora noire pour aller quitter cette corruption blanche. Maintenant, retournons un petit peu la pochette, toujours cryptée en diable. Hein, c'est le propre des pochettes de Parliament et de Funkadelic, et ça le reste pendant un long moment, où cette fois-ci, on est avec un gigantesque vaisseau arrimé au bord de la côte qui embarque, comme ça, la population noire. Le vaisseau est en fait d'une forme utérine, pas même déguisée. Parce que, alors, évidemment, les références phalliques, sexuelles, utérines chez Parliament, elles croulent à satiété. Hein. On s'étendrait à moins. On est dans la jouissance pure avec P-Funk. Mais attention, l'hédonisme cache aussi du politique. Et là, je me plais à insister un petit peu sur ça. Et reprendre finalement ce maître mot du disque, qui est cette phrase « From an ocean come an ocean ». De cet océan vient une notion. Alors ça sonne tellement mieux en anglais, évidemment. Et de fait, c'est ce qui va se passer clairement. Et pas immédiatement. Il y a un essayiste et qui est un académique très, très pointu, c'est Paul Gilroy. Paul Gilroy, il enseigne à l'UCL, à l'University College de Londres. Et en 1993, il pond une thèse qui s'appelle le Black Atlantic. Black Atlantic. Et une théorie de la double consciousness, c'est-à-dire une double conscience. Alors qu'est-ce que dit en substance Black Atlantic, c'est-à-dire cette Atlantique noire ? Partant du postulat, il est absolument évident que les Afro-Américains sont déracinés de leur terre natale, l'Afrique. Ils l'ont quittée. Mais n'ont jamais pris racine dans la terre promise, forcée, c'est-à-dire les États-Unis, l'Amérique. Cette conscience afro-américaine n'existe que dans l'entre-deux. C'est-à-dire ni en Afrique, ni aux États-Unis, ni en Amérique, elle existe dans l'Atlantique, cette Atlantique noire. Pourquoi ? Parce que la conscience afro-américaine, elle se forge dans les cales des bateaux négriers qui les transportent d'un continent à l'autre. Et toute cette conscience-là va irriguer, de façon d'ailleurs consciente ou pas, la culture afro-américaine à la suite. C'est extrêmement culotté de sortir ça. Ça fait rire tous les académiques en 1993. Et Paul Gilroy ne s'arrêtera pas là, puisque d'ailleurs aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été, qui est guillemot reconnu, mais enfin, bien après sa thèse. Et pardon d'insister, mais cette thèse est absolument géniale. Elle va croiser l'immédiateté d'un des plus beaux concepts afrofuturistes qui est découlé de Sun Ra, puis de P-Funk, c'est celui de Drexia. Drexia, du duo formidable, Made in Detroit, et qui campe la mythologie des Drexiennes. Drexia, c'est quoi ? Ben c'est en fait cette Atlantique noire, et il est dûment décrit finalement, même si c'est de manière totalement jouissive et délirante dans le disque Motor Booty Affair qu'on vient d'entendre, c'est là, chez Drexia, donc ce continent subaquatique noir, qui a donc été créé par les descendants des femmes esclaves enceintes qui étaient jetées par-dessus bord des bateaux négriers, parce que de toute façon malades ou improductives, et finalement enceintes en contenant des embryons, voire des bébés prêts à naître déjà baignant dans un placenta humain et donc un élément liquide, ils demandaient finalement à s'exprimer encore hors du ventre de leur mama, là aussi dans un élément liquide, et donc constituer cette population d'Atlantes noires, les Drexiennes. C'est absolument génial. C'est absolument génial. Et bien sûr que c'est politique, bien sûr que c'est politique. Et donc si on reprend cette notion finalement du bateau négrier, donc du vaisseau, C'est ce qui va irriguer toute la mythologie afrofuturiste. C'est le chariot biblique, c'est la mother ship, c'est la space ship, appelez-le comme vous voulez. Et vous verrez que dans tout le funk des années 70, et ça, ce n'est pas uniquement l'apanage de George Clinton, même s'il en est le zélateur premier, finalement, cette notion de transport est constante. Et c'est d'autant plus intéressant de savoir que cette mythologie va se développer où ça, plus qu'ailleurs. Bah dans la ville de la bagnole, aux États-Unis, c'est Detroit, Détroit donc. Rien d'étonnant qu'avec un héritage pareil, hein, Motown inclus d'ailleurs, Détroit développe après une musique électronique qui va être beaucoup plus sagace et d'une certaine manière à la fois plus techno, à la fois plus spirituelle que le tout venant qui pouvait se faire ailleurs à partir des années 90. Voilà. Et c'est important à mon avis de faire ces liens aujourd'hui, c'est vital finalement. Tout comme il va y avoir des liens qui vont se tenir entre chaque disque de Parliament Funkadelic, hein, du slogan à la théorie, il n'y a pas loin. Uncle Jam, One Nation Under a Groove, One Nation We're on the Move. Quoi. Voilà, donc l'afrofuturisme, c'est bien ça. C'est une théorie du lien, finalement, qui fait feu de tout bois et qui va mélanger idées, voire éventuellement spiritualité, africanisme, certes, mais aussi ultra-technologisme. Quoi. Et pourquoi ? Parce que ça sert un propos et ça sert aussi une idée. Il y a, chez George Clinton, et moi je me plais à le soulever ici, parce qu'on va s'offrir cette sortie-là, il y a derrière l'afrofuturisme très évident de P-Funk, il y a aussi un afroféminisme. Et ça, pardon d'insister, mais le funk, c'est une vraie musique des machos, quoi. Au point où c'en est caricatural. Et finalement, ça rend le truc peut-être plus fun, et voire funky encore que ça n'est. Mais... si bien sûr, il y a eu quand même pas mal de divas et certains groupes féminins qui ont traversé le funk avec des super trucs, quoi. Betty Davis, Tina Turner, première période, enfin, on peut en nommer pas mal. Chez Clinton, elles ont. Il y a une matriarcat absolument passionnante et qui est finalement même autonome du vaisseau mère. Ça va s'exprimer dans une discographie à l'avenant, d'ailleurs. Plusieurs groupes comme ça vont sortir de l'imagination de George Clinton. Parlette, par exemple. Parlette, c'est fondé par trois chanteuses qui sont finalement les mamas premières de Parliament Funkadelic. C'est elles qui vont rejoindre le groupe en 1975. Avant, Funkadelic, c'est qu'un groupe de gars. Des bons, des gars, des vrais de vrais. Et, ben voilà, et tout de suite, cette féminisation va en inspirer d'autres. Celui que j'ai envie, on va probablement faire un aller-retour entre les deux. Le deuxième que je trouve encore plus intéressant, c'est les Brides of Funkenstein, les fiancées de Funkenstein. Sachant qu'en 1976, il y a un album notoire de Parliament qui s'appelait The Clones of Dr. Funkenstein. Parce qu'évidemment, tous les mythes Braxploitation, si vous voulez, qu'on casse les mythes dominants pour les retraduire à leur manière. Je le répète, P-Funk n'a pas son pareil pour réussir ce genre de truc. Chez les Brides, très intéressant, c'est des chanteuses de Sly Stone, en fait. Ex de Sly and the Family Stone. Donc référence un peu majeure du funk et influence, bien sûr, évidente, de George Clinton. Les deux ne vont jamais ensemble, d'ailleurs. Voilà, donc je vous offre tout de suite ce qui pour moi est le bijou du P-Funk. En plus, alors là, je vais être gâté parce que le morceau fait 15 minutes 30 et je vais vous les offrir en entier. Je vois qu'on a le temps. C'est probablement des morceaux les plus longs de studio jamais couchés sur un disque sorti de Parliament Funkadelic Thing. Et donc, c'est les Brides of Funkenstein. Avec ce juste inénarrable Never Buy Texas from a Cowboy. N'achetez pas le Texas de la part d'un cowboy. C'est l'album du même nom en 1979. Voilà. Avec en substance lyrics qui est d'une finesse et d'une drôlitude inouïe. You'll never buy take sauce from a cowboy or never buy a bridge while you're in Brooklyn. Formidable, non? Cold Disparaît en 1979, c'est plutôt un flop, en fait, même si alors Funkadelic et Parliament vendront davantage. Mais j'insiste, hein, en étant avant tout et presque principalement axé sur leur propre communauté. Ça changera après, mais à coup de, d'ailleurs à coup d'influence et de sample, finalement. Il faudra sauter une génération pour qu'il y ait comme ça quelque chose de crossover et à la fois multigénérationnel, mais n'ayons pas peur du mot, multiracial qui s'impose dans la mythologie P-Funk. Mais au départ, c'est quelque chose de relativement communautaire. Et probablement pas du strict fait George Clinton. Et encore moins donc des Brothers of Frankenstein, de Parlett ou bien de toutes ces incarnations et alias. Croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Le disque avait été sacré en 2001. Rolling Stone consacre cet album des Brothers of Frankenstein, c'est leur deuxième et dernier d'ailleurs. Il y aura un live, mais bon, il compte pas vraiment celui-là. Comme un des 50 coolest albums ever released. Voilà. Donc, bienvenue dans cet empire du cool et ce Never Buy Texas from a Cowboy. Comment le disco va rencontrer le funk? Dernière parenthèse, justement, avant qu'on l'écoute, on a souvent campé Parliament Funkadelic comme ce rempart essentiel contre la culture disco qui devenait dominante à ce moment-là. Et j'ai jamais vu le truc comme ça. D'abord parce que le funk et le disco ne sont pas ennemis, ça c'est une chose. Et d'autre part, il y a effectivement une intégration du disco évidente justement chez Parliament. Mais le disco rentre dans le funk. Là où, finalement, beaucoup des productions disco les plus intéressantes qui faisaient appel au funk fonctionnaient de manière inverse. C'est-à-dire que le funk rentrait dans le disco. Exemple, Hamilton Bohannon, par exemple. Hein. Batteur absolument métronomique, mais super carré, avec le pied en avant, et pas boum, boum, boum, dance floor, purement marqué. Hamilton Bohannon venant aussi de Détroit, on n'est pas là encore surpris de cette proximité-là. Voilà. Donc voilà cette théorie donc inversée du disco qui va nourrir le funk et non l'inverse. Je la trouve particulièrement bien exprimée dans ce Never Buy Texas from a Cowboy, 15 minutes et 30 secondes de bonheur pur par les Brides of Frankenstein, c'était en 1980. Oui, vous pouvez continuer à danser. Vous êtes gâtés aujourd'hui. My granny had a saying, without humps there would be no getting over. You pay for what you get, and hardly ever get what you pay for. Life's full of ups and downs. You got to find your own high ground. Mother wit is your connection. Use it for your protection. You got to dance to it. Your phone. Though mobile rent is a kind of nonsense, it helps you Parlette, donc le premier des combos féminins hein, issus de cette grande P-Funk Army, P-Funk Mythology. Et puis le deuxième, lui, par ordre chronologique, mais c'est le premier qu'on écoutait, nous, avec ce morceau fleuve des Brides of Funkenstein, Never Buy Texas from Cowboy. That's it, inénarrable. J'ai dit en sous-texte, finalement, mais ce n'est pas tout à fait un secret, que P-Funk allait décliner après. Ce qui est vrai et pas vrai. C'est vrai dans le sens où il y a une telle profusion de production, et finalement tout ça va poser des problèmes, ne serait-ce que juridiques, entre maisons de disques, qui vont finalement s'envoyer des avocats à la figure, et du coup faire payer George Clinton lui-même, que ça ne se passera pas très bien. Et Clinton va même aller en prison. Il y a un autre facteur aussi qui fait que toute cette pression-là multipliera les tensions internes et va favoriser des velléités un peu mutines dans l'environnement de George Clinton. Quelqu'un comme William Woodsy Collins, lui, est déjà autonome finalement quasiment depuis le début, mais d'autres vont un peu prétendre comme ça à leur liberté enfin acquise. Il y aura même comme ça un album de Funkadelic qui va sortir sans la production de George Clinton, et avec du moins écrit « This record is not produced by George Clinton ». Bah ouais, mais voilà, ça s'entendait, c'était pas parfaitement bien, quoi. C'était même pas très très très bon. Ce qui n'empêche pas deux ou trois projets mutins, j'en ai deux en tête d'ailleurs, hein, Quasar et Mutiny, d'être absolument excellents. Et même pour l'un, je pense au troisième album de Mutiny, d'avoir carrément propulsé le style P-Funk, mais dans du garage rock, quoi. Quelque chose réduit à l'essentiel. Et ce disque est dûment extraordinaire, absolument historique. De fait, rarissime, je me promets d'en faire un cargo culte, mais c'est pas pour tout de suite. Le déclin de P-Funk va être aussi du fait de George Clinton, et puis il va finir par travailler tout seul. George Clinton va avoir une deuxième vie, hein, en fait, notamment en solo, alors en solo sous son nom, et chez Capitol Records. Là, il va signer de manière presque accidentel un morceau qui ne devait pas sortir, qui s'appelle Atomic Dog, qui est un des brûlots du funk 80s les plus essentiels, et qui, exactement comme Flashlight, avait redéfini le son du funk et de la dance music à la fin des années 70, procédé de la même manière en 1983 avec un morceau pulsatif aux basses électroniques d'une puissance inouïe, une anthologie. Absolue. Et voilà que donc Clinton, que tout le monde voulait enterrer, bah, se retrouve à nouveau encensé. Et là, bien à lui, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'enfin, bah oui, exactement comme James Brown n'avait plus dopé de samples et d'influences tous les primo-rappeurs des années 80, la génération suivante, et spécialement celle de West Coast, qui va émerger la toute fin des années 80, en tête Snoop Doggy Dogg, mais il y aura pas mal d'autres, vont puiser dans le grimoire P-Funk à satiété. Puis alors, en plus, ils vont puiser sans demander l'autorisation. Ils vont dire oh, « I'm black, I'm proud, moi aussi, hein, on est frères d'armes, on est funk, laisse-moi prendre 16 mesures de ton tube et puis je vais juste poser ma voix de rappeur dessus. Et puis ma foi, si je vends quelques millions de disques, tu vas pas m'emmerder. » Bah non, Clinton, il n'a pas vu de ce regard-là. Donc il a fait des procès à tous les gens qui lui avaient volé des titres et il les a globalement gagnés. Donc Clinton est devenu très riche après être passé par des moments très pauvres. En tout cas, très à la ramasse. Notamment à cause d'excès en tout genre, pour lesquels je ne vais pas m'éterniser là, mais on les imagine très bien. Ils sont même notoires dans la P-Funk Army et P-Funk Genealogy. De fait, j'étais très amusé de voir qu'à partir de 1990, il y a beaucoup de rééditions qui vont se faire de P-Funk, plus des collections d'inédits, parce qu'il y en a forcément plein, quoi. Et sur la série Family Series, qui compilait justement des inédits ou des semi-inédits, était écrit à chaque fois en exergue, plutôt petit, un avertissement concernant le fair use of sample, finalement, hein, et prévenait tout simplement de contacter telle juridiction, tel bureau, pour pouvoir avoir la permission d'autoriser, de la permission d'autoriser un sample. Il y a même un numéro de fax qui est donné. Hein. Oui, Internet n'est pas là, en tout cas pas vraiment. 1990, fallait envoyer un fax. Et voilà, avec cette chose de « We will not charge you an upfront flat fee, but instead you pay a per unit sold free equal to the amount charged in your territory for a mechanical use copyright license. » Donc en deux mots, plutôt que d'avoir un tarif forfaitaire à haut niveau, et sous-entendu un procès à la clé, George Clinton incitait à négocier directement en fonction des usages de copyright qu'il pouvait y avoir dans chaque juridiction, les usages n'étant pas forcément les mêmes en France qu'en Angleterre ou ailleurs. Voilà. Donc c'était assez intéressant, ce genre d'avertissement qu'on ne trouvait jamais sur un CD, quoi. Et qu'en dit long un petit peu sur finalement la clairvoyance un petit peu juridique de George Clinton et cet état de fait où tout le monde s'en plante finalement à tout va dans la fin des années 80 sans que se pose parfois la question d'une rétribution de l'auteur du sample. Autant parfois on sait que le piratage peut être très créatif, c'est pas parfois, c'est souvent même. Mais autant l'usage qui a été fait des morceaux de Clinton était quand même du pompage pur et simple, et parfois de bonne aloi, mais le plus souvent très très opportuniste. On va se quitter avec un extrait, et je vais rester féminin parce que j'aime bien cette sortie justement avec les Piffin Girls, de Jessica Cleaves. Elle était une choriste aussi associée au groupe. Elle n'a pas eu le temps de faire un disque solo, il en était question. Et il y a ce titre que Clinton présente lui-même comme un des plus jolis titres inédits qui ait jamais été mis sur une compilation. Mais pour des raisons qu'on ignore totalement, il n'a jamais eu envie de le sortir aussi à l'époque. Donc, allez comprendre. Toujours est-il que ce morceau qui va nous amener à descendre avec un tout petit peu plus de douceur, I Really Envy the Sunshine, il s'est signé aussi en 1980 par Jessica Cleaves. Et c'est ainsi qu'on se quitte, il y aura très peu de temps en fait pour l'écouter, mais juste de quoi se faire du bien dans un pur P-Funk style, qui était le héros du jour aujourd'hui. Merci d'avoir été attentif à cette émission, on se retrouve à la semaine prochaine avec, je le promets à Ike, des morceaux beaucoup plus tourmentés que cette grande folie funky du jour. À bientôt. Lovely company as you, I would smile a whole lot through, and my smile, it would warm, a world through, just like you're warming me. I really, really envy the sunshine. time at your shadow's feet.